touché moi, ça qu'a excité moi, qu'a fait moi trembler. Les coques la chantezier, a déjà ouvert poupé ban moi, force là. L'amour en fonzier, c'est l'amour frissonnant, qu'a fait au flashy. Les voix qu'a gardé, ça qu'a excité, moi, qu'a fait, moi, fouet, mais. J'ai mis moi dans tes yeux.